C'est intéressant parce que je vais sur mon ordinateur pour souvent voir, parce que j'ai un petit logiciel qui me dit qui écoute mes vidéos. Et je vois qu'il y a des gens de Val-d'Or, des gens d'Amos, des gens de Lassar. Donc c'est intéressant pour moi de savoir que vous continuez à étudier autant que je suis pas là, d'autres études que j'ai faites. C'est le fun de voir ça. Donc ça m'encourage à continuer. Alors, vous êtes surveillés, je vous check de chez nous. Donc, on va continuer ce matin l'Épître aux Éphésiens. Donc, si vous voulez tourner au chapitre 4, nous entrons dans le côté... Il y a toutes sortes de noms que les théologiens donnent, côté pratique, côté dogmatique, côté plus au quotidien dans la vie. Qu'est-ce que ça fait? Moi, ce que j'aime appeler ça, c'est nous allons entrer maintenant dans la phase des résultats de ce que Dieu a fait dans notre vie. Qu'est-ce que ça va produire en nous, ce que Dieu a fait? Et c'est pas qu'est-ce que nous, on va produire avec ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que lui, ce qu'il a fait en nous, qu'est-ce que ça va produire dans la vie qui nous reste à vivre dans ce beau monde et pour l'éternité? Mais avant de commencer, nous allons ensemble prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous avons dit souvent que nous avons eu une nouvelle vie, nous sommes nés de nouveau. On dit qu'on est passé de la mort à la vie, à cause de toi, par ta puissance. Qu'est-ce que ça a comme effet dans notre vie? Qu'est-ce que ça va produire en nous? Et nous voulons passer quelque temps ensemble à regarder ce que Paul nous dit de ta part, de qu'est-ce que ça va produire, afin qu'on puisse comprendre la nouvelle vie que tu nous as donnée et qu'on puisse t'en glorifier pour toujours. Donc, par ton esprit, que tu puisses nous diriger, afin qu'on puisse être illuminé et rempli de joie. Amen. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, il y a des exemples qui sont intéressants à regarder. Quand Dieu a pris Abraham et qu'il l'a choisi, Abraham était, si vous connaissez un petit peu, Abraham était de quelle ville? Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, c'est une ville presque pire que... Quand Paul il dit, c'est Haïfaïs qui dit ça, votre ville est remplie d'idoles, remplie d'hôtels, remplie de toutes sortes d'affaires. Ur en Chaldée, c'est un peu comme ça. C'est une ville d'idolâtrie, à la planche. Et Abraham était là, dans cette ville-là, c'était sa ville, c'était sa place. Dieu l'a choisi comme étant un pas parce qu'il était un bon gars, mais il l'a pris dans sa souveraineté, il l'a choisi. Puis il dit, maintenant, je t'ai pris, tu vas t'en aller dans un pays que je vais te donner. Et tu vas me servir. Et au moment que Dieu a pris Abraham, et qu'Abraham a dit oui à cela, sa vie n'a jamais été la même après. Sa vie a été changée. De partir de ce jour-là, jusqu'à temps qu'il meurt, sa vie n'était plus la même. L'endroit où il vivait n'était plus la même, ses espérances n'étaient plus la même, ses rêves n'étaient plus les mêmes, sa vie avait changé. Si vous prenez un autre exemple, comme David, Dieu l'a souverainement choisi lui aussi. C'était un petit jeune, je dirais 18-20 ans, quand Dieu l'a choisi, peut-être un peu moins que cet âge-là. Des fois, on le met sur nos photos à 12 ans, mais c'était plus vieux que ça. Il était un petit peu plus vieux que ça. On pense que quand il s'est battu contre Goliath, qu'il devait avoir une vingtaine d'années au moins, quand il s'est battu contre Goliath. Donc, quand Dieu l'a pris, puis qu'il l'a choisi, puis il a dit à Samuel, « Va oindre celui que j'ai choisi pour être mon roi. » Après qu'il a été oint d'huile par Samuel, sa vie n'a jamais été plus la même vie qu'il avait avant. Sa vie a été changée. Il n'a jamais fait la même chose avant. Ça a été du nouveau. Il s'est ramassé dans les cours de roi, il s'est ramassé marié avec la fille du roi, il s'est ramassé chef d'armée, il a fait toutes sortes de choses que je suis convaincu que David, assis avec sa harpe, à côté de son arbre, avec ses moutons, n'avait jamais pensé et rêvé de faire. Jamais, dans ses plus beaux jours, Il aurait pu penser qu'un jour, il serait assis dans les temples de rois et que celui serait le roi d'Israël. Jamais il aurait pu penser ça. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Dieu avait choisi David et avait un plan pour la vie de David. Et sa vie a changé comme cela. Et vous avez la vie de Saul de Tarse, que vous connaissez dans le Nouveau Testament. Saul s'en allait à Damas pour faire quoi? Persécuter les chrétiens, faire mourir les chrétiens. Moi, je l'appelle mon enragé. Il était un enragé, Saül. C'était un enragé. Imaginez-vous ça, il courait après le monde, puis il les attachait, il les fouettait, puis il les forçait à blasphémer le nom de Jésus. Parce que lui, il était un anti-Christ. Il était un anti-chrétien. Il était contre tout ce que les chrétiens faisaient. En un instant, sur le chemin de Damas, je dis bien en un instant, une lumière apparaît et sa vie n'a jamais été plus la même après. Jamais. C'était quelqu'un qui rencontrait Saul et qui rencontrait Paul, disait, oh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Mais les changements de ces hommes-là, par rapport à notre changement à nous, c'est bien plus petit ce qui est arrivé dans leur vie que ce qui est arrivé dans notre vie. Ce qui est arrivé dans ma vie en 1976, c'est beaucoup plus qu'Abraham, c'est beaucoup plus que David, c'est beaucoup plus que ces gens-là, que Joseph. Joseph en prison. Le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Dans les palais des rois, devant l'empereur de l'Égypte, devant le roi d'Égypte, le pharaon, et sa vie n'a jamais été plus la même aussi. Mais nous autres, quand Dieu nous fait passer de la mort à la vie, quand Dieu nous ressuscite, comme le terme que Paul emploie, spirituellement parlant, quand Dieu fait de nous son enfant, au lieu d'être un enfant du diable, nous sommes un enfant de Dieu, la vie change d'une façon drastique. On n'est jamais plus les mêmes après cela. Jamais plus les mêmes. Il est impossible pour nous, je vous dis bien impossible, selon moi, il nous est impossible pour nous de vivre comme avant. C'est impossible. Souvent, j'ai donné des exemples à des inconvertis, je leur disais, si j'avais le pouvoir de te transformer, si moi j'avais le pouvoir de te transformer d'être humain que tu es à être un beau petit chat, je pourrais dire toutes sortes d'animaux, mais je dis, un beau petit chat, ta vie ne serait jamais plus pareille après ça. Est-ce que j'aurais raison? C'est fini. Et nous, c'est la même chose. Notre vie a changé d'une façon... Il n'y a pas de terme quasiment qu'on peut employer humainement parler pour dire qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie. C'est un miracle qui est arrivé. Et donc, si cette vie-là a été tellement transformée en un instant, c'est instantané, cette affaire-là. C'est un miracle. Dieu nous prend et vient en nous, puis par sa puissance, clac! Et là, paf, on est changé. Et là, on est un peu désorienté. On est un petit peu désorienté. Parce que là, on a, wow, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est pas si vous êtes comme moi, mais j'ai dit oui au Seigneur en 1976. Mais j'ai dit oui, mon oui était oui, puis il restait oui par sa grâce, mais je savais pas vraiment à quoi je disais oui. Moi, j'ai dit oui parce que mon frère m'a présenté l'Évangile. Savez-vous pourquoi j'ai dit oui? Peut-être une majorité d'entre vous ont dit le même oui. Je voulais aller au ciel. Je voulais pas aller en enfer. Je voulais juste aller au ciel. Moi, c'est tout ce que je voulais. J'ai dit oui à ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un paquet de petites écritures dans le contrat que je savais pas. Que mon frère m'avait pas dit. Je suis allé le voir après, puis j'ai dit 6 mois après, j'étais loin. J'ai dit, t'es un menteur, tu m'avais pas tout dit. Tu m'avais pas tout dit. Parce que moi, j'avais dit oui pour aller au ciel. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est de vivre dans le ciel. C'est pas d'aller au ciel, c'est de vivre dans le ciel. Et là, c'était différent pour moi. D'un coup, ça m'a pris quelques années avant d'accepter le fait que j'avais dit oui. Ça m'a pris 2 ans. J'ai dit au Seigneur, j'aimerais mieux pas jamais t'avoir connu. J'ai dit ça en fait 2 ans. Et là, je ne suis pas bien avec les chrétiens, puis je ne suis pas bien avec les inconvertis. Je me retrouve où, moi, dans ça, là? Parce que la transformation avait eu lieu. Je ne savais pas tout ce que ça comprenait, cette transformation-là. Et je crois que c'est ce que Paul va dire ici dans les 3 chapitres. Il va dire aux chrétiens, voici qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça va donner dans votre vie? Qu'est-ce que ça va emmener dans votre vie comme changement? Le fait d'avoir été choisi dans l'éternité passée, d'avoir été des élus, choisis de Dieu, transformés, pardonnés, vous avez été régénérés, vous êtes maintenant habités par le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes habité, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu. Voici ce que ça va emmener comme changement dans votre vie. Afin qu'on comprenne bien. Parce que des fois, je crois qu'on est en lutte. Pas avec le péché, pas avec la femme du voisin, pas avec le gouvernement. On est en lutte avec nous-mêmes. On comprend mal ce que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi il a fait tous ces changements-là en nous? Et là, on se ramasse avec moi, j'appelle ça des... On est un peu comme... Oups, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi je suis comme ça, là? Pourquoi je ne pense plus comme avant? C'est tout simplement parce que le Saint-Esprit a fait de nous les enfants de Dieu et maintenant, ça a changé notre vie. Mais quand on rentre dans le chapitre 4, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les 3 premiers chapitres. Parce que, et quand vous avez des problèmes avec les 3 derniers chapitres, retournez, relisez les 3 premiers. À cause de ce qui s'est passé là, voici ce qui se passe ici. À cause de ce que Dieu m'a transformé, je vis comme cela maintenant. C'est pour ça que j'ai ces désirs-là ce matin. C'est pour ça que j'ai ces luttes-là en moi. Ce que vous avez... Ce qu'on va lire dans les trois prochains chapitres qu'on va étudier ensemble, c'est ce qu'on a dit oui. On a dit oui à ça. Sans tout comprendre, on a dit oui. Et ça va se produire en nous. Parce que Dieu a produit en nous. C'est plus fort que nous, si je peux dire ça comme ça. Ce qui a changé en nous est plus fort que la chair qui est en nous. C'est pour ça qu'on est sûr qu'on va gagner. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Ou celui qui est dans le monde, qu'on dit ça des fois. Celui qui est en nous est plus fort. Donc, ce qui est en nous, ce qui a été régénéré, est plus fort que la chair. Donc, on va finalement gagner sur la chair. Même si des fois, elle gagne, elle a des victoires, c'est sûr qu'elle va perdre la guerre. C'est sûr qu'elle va perdre la guerre. Dernièrement, j'ai acheté un déflecteur. Je ne savais pas c'est quoi, c'est un déflecteur, c'est une patente pour avoir du vent à l'arrière de la tête dans mon convertible que j'ai acheté. Mais je voulais avoir un déflecteur. Et j'ai payé pour l'avoir, le déflecteur. Mais quand je l'ai regardé, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, cette affaire-là. Je regardais ça, je dis, oups, comment ça s'installe dans mon auto. Mais il y avait une petite feuille d'instruction avec des petits dessins. Et j'ai regardé ça et j'ai posé mon déflecteur. Ma femme n'était pas en arrière de moi en train de me crier après que je pose mon déflecteur. Non, non, j'avais acheté le déflecteur, j'avais payé le déflecteur et je voulais le déflecteur. Donc, j'ai pris les instructions, je les ai lues et j'ai fait. Et j'étais content de travailler dans mon char et de poser mon déflecteur. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. Les 3 prochains chapitres qui s'en viennent, j'ai choisi la vie chrétienne, je veux vivre la vie chrétienne. Combien de fois j'ai dit à mon pasteur, arrête de me crier après. Je veux vivre la vie chrétienne. Faut juste me dire les instructions. Je veux. C'est mon désir profond. J'ai décidé ça. J'ai choisi la vie chrétienne comme vie. J'ai dit oui à Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit vit en moi et j'ai une nouvelle vie en moi et je veux vivre la vie chrétienne. Je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Faut juste me donner les instructions que j'ai besoin. Arrête de me crier après comme si je ne voulais pas la vie de la vie chrétienne. Il n'a pas arrêté de crier, fait que je suis parti. Je suis parti. Et ce que Paul va faire ici dans les trois prochains chapitres, c'est juste nous donner les instructions pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne dans la joie et dans la paix. Tout simplement. Donc, nous allons, si vous voulez bien, lire dans chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, quand vous avez le mot donc, à cause de ce que je viens de vous dire, à cause des trois premiers chapitres, voici le résultat, voici ce qui va découler de ce qui s'est passé. Le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. On va arrêter là les premières minutes. Dans les trois chapitres, c'est le mot « marcher » qui revient. On va voir « marcher » de façon digne. Ensuite, on va voir « marcher » dans la lumière. Et ensuite, on va voir « marcher » en ayant revêtu votre armure. L'armure de Dieu, ou l'armure du chrétien, ou l'armure, peu importe comment on l'appelle. Mais le mot qui revient plusieurs fois dans ces trois chapitres-là, c'est « marcher ». C'est vivre. Le mot, c'est pour traduire vivez de façon digne. Ici, c'est le mot digne. C'est pas mériter ce que vous avez reçu. C'est pas ça que ça est en train de dire. Ça vous a été donné. Marchez d'une façon qui convient, qui manifeste, qui illustre, qui montre qui vous êtes. C'est pas que nous on pense que faut être digne. Il faut marcher digne. Des fois, ça a une notation négative en nous. Et Calvin a traduit de façon convenable, qui convient à ce que vous êtes. Ma mère nous disait souvent, oubliez pas, vous êtes des nolettes. Oubliez pas, vous êtes des nolettes. Ça voulait tout, pour elle, ça voulait tout dire. Vous êtes des nolettes, donc marchez comme des nolettes. Ça avait dans sa tête une connotation. Et là, ici, ce que l'apôtre Paul dit, vous êtes maintenant des enfants de Dieu, des héritiers du ciel et de la terre, vous êtes des régénérés, des temples de Dieu, des maisons de Dieu. Marchez de façon convenable, comme il vous convient d'être, c'est ce que vous êtes maintenant. Et il ne faut pas voir ça comme un fardeau, mais plutôt comme un privilège. Comme un privilège. Il dit, vous avez été appelé. Il y a une vocation qui vous a été appelée, qui vous a été donnée. Un appel vous a été fait. Vous avez répondu oui. Et là, on va voir que tous, chacun de nous qui sommes croyants, avons reçu le même appel. Il n'y a pas de différents appels de ce qu'on parle ici. Vous avez été appelé, dans l'épître aux Éphésiens, c'est vous avez été appelé à devenir des enfants de Dieu, et vous avez tous dit oui en tant qu'enfants de Dieu. Donc, vous avez tous été appelés à la même chose. Il n'y a pas d'appel plus haut ou plus bas. On est tous égaux. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, puis je cherchais un mot, un chrétien, puis j'ai dit, dans la Bible, il y a des égalisateurs. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit, je vais regarder ça dans mon dictionnaire à moi. Il y a des mots, il y a des expressions, il y a des phrases qui amènent les chrétiens égaux. On est tous égaux devant Dieu. Comme nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Il y a le mot tous. Tous, ça nous met tous dans le même bain, ça. Vous avez tous été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ça nous amène tous à la même place. Il y a des égalisateurs, parce que dans notre personnalité, dans notre humanité, on a tendance à se mettre plus haut ou plus bas, les uns les autres. Alors moi, je fais partie de la classe sociale moyenne. Hein? Vous avez entendu ça. C'est la classe moyenne, ou c'est la classe pauvre, ou c'est la classe aisée. Des fois, on rentre dans des parties de la ville, oh, ici, c'est la classe haute qui reste ici. On se divise par quartier dans la ville. Si tu arrives à ma maison mobile, tu peux pas aller t'installer où ce que tu veux dans la ville. Ils vont dire, toi, c'est là-bas, mon chum. Là-bas, dans ce coin-là. Si tu veux te bâtir une grosse maison, 300 000 piastres, tu vas dire, pas ici, non, l'autre bout de toi là. On nous sépare, on nous classe. Mais dans la Bible, il y a des égalisateurs. Toute l'Église de Dieu, tout le peuple de Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de haut et de bas. Ça n'existe pas. Ce qui a été fait à un a été fait à tout le monde. C'est pour ça ici, il va parler, parce que dans nos trois premiers chapitres, vous vous souvenez, il y a des problèmes entre les chrétiens païens et les chrétiens juifs. Tout au long du Nouveau Testament, si vous remarquez un petit peu, vous allez voir ça. Il y a eu un débat longtemps, ça l'a persisté pendant des siècles, si vous lisez l'histoire de l'Église, cette différence entre les juifs et les non-juifs. C'était là avant. Quand ils sont rentrés dans l'Église, les païens et les non-juifs, ça l'a amené à un conflit épouvantable. Ils ne se côtoyaient pas avant. C'est pour ça que Pierre va dire en arrivant chez Corneille, « Vous savez que je ne vous ai pas permis d'entrer ici, hein? » Il dit ça, ça commence bien un témoignage. « Vous savez que je n'ai pas le droit de manger avec vous autres et d'être ici, hein? » Mais, il dit, « Dieu m'a montré que je ne devais pas faire exception de personne. » On le retrouve un petit peu plus loin dans les Galates, puis il fait exception de personne encore. Ça a été bien dur pour les apôtres. Et bien dur pour les païens et toute cette gang-là, nous autres pareil, c'est bien dur pour nous autres d'enlever les couches sociales. C'est bien dur. Moi, j'ai été vu dans une église où est-ce que tous les professionnels restaient pas. Tous les médecins qui rentraient là, les avocats, les notaires, tous les professionnels qui rentraient, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, étaient partis. On t'a pas regardé? Parce que nous autres, il n'y avait pas de mal, non. Parce que nous autres, on était une couche, à Vitréville, dans notre église, on était tous de la main d'œuvre. Et la différence était trop difficile à embarquer. Et ça partait. Puis il y a des églises, c'est le contraire. J'ai vu des églises où c'était plutôt des professionnels dans l'église, et quand les gens se venaient de sa salle, rentraient et se convertissaient, ils ne restaient pas. 6 mois, 1 an après, t'es parti. Parce qu'ils ne pouvaient pas vivre. C'était dur de vivre ensemble. C'était dur de vivre ensemble. Pourtant, on est tous chrétiens. Mais on vit ça. Mais ils avaient tous été appelés. Que vous soyez païens ou que vous soyez juifs, vous avez tous été appelés par le même Dieu, à la même appel, la même vocation, le même but dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de but différent dans le fait que vous avez été appelés. C'est ce qu'il dit, marchez avec humilité, avec douceur, avec patience et avec amour, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Remarquez bien qu'il ne dit pas que nous devons créer l'unité. Nous devons faire quoi? La conserver. On l'a. On est unis les uns les autres. On est tous unis. On n'a pas à créer l'unité. Vous n'êtes pas capables. Mais Dieu nous a tous unis ensemble, les uns les autres. Un peu plus loin dans le texte, on va voir, il donne l'exemple d'un corps. Donc, il a tous unis les parties du corps ensemble, il a mis une tête au-dessus, qui est Jésus. On va voir ensemble. Mais en fait, on est tous unis les uns les autres. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes unis à moi. Je suis uni à vous. On est unis. C'est le plan de Dieu. On forme un corps. L'Église, dans le monde entier, forme un corps. Il y en a qui disent que l'Église de Val-d'Or forme un corps. Oui, c'est vrai, jusqu'à certains points. Mais quand monsieur, pas ton petit nom? Fabien. Quand Fabien arrive d'ailleurs, ben, il fait-tu partie du corps? Mais non, s'il fait encore partie du corps de Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières, je me souviens bien. Hein? Bon, ben non. Il fait partie du corps ici parce qu'on est un gros corps. On est tout l'univers, tout, pas l'univers, mais toute la Terre, c'est un corps. Tout le corps de Christ, c'est un corps. Et Dieu a tout uni ça ensemble. Et le lien, c'est quoi? L'Esprit de Dieu qui est en nous. Ça, c'est le lien. Paul dit, vous avez tous été unis dans un même corps, toute la gang. Que vous soyez riches, pauvres, éduqués, pas éduqués. Que vous soyez jeunes, vieux, hommes, femmes. Surtout, ça a été un autre problème dans les églises du temps du Seigneur Jésus-Christ, hommes, femmes. Parce que, en tant que non-chrétien, il y avait un paquet de problèmes de séparation, là. Puis Paul, quand il arrive dans Galates, il dit, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes en Jésus-Christ. On est tous égaux. On marche tous ensemble, cette affaire-là. Et de toutes ces affaires-là sociales qui étaient là, du jour au lendemain, en devenant chrétien, c'était tout là ça. Comment est-ce qu'on agit maintenant? Comment on se comporte maintenant? Et c'est ce que Paul dit ici. Vous avez tous été mis ensemble, conservez cette unité-là de l'esprit qui est en vous. Conservez-les. Puis là, il nous donne les choses qui vont nous garder ensemble, c'est l'humilité, la douceur, la patience, l'amour et la paix. Ça vous fait penser à quoi, ça, quand je vous nomme ça, là? L'humilité. C'est le fruit d'esprit. Oui, hein? Ça fait penser à autre chose aussi, cette semaine, que je pensais, c'est les béatitudes. L'humilité, soyez doux, la paix, la justice, ça revient à la même chose. Il dit, utilisez ça pour conserver la paix ou l'unité. Pas la créer, juste la conserver. Et si c'est le fruit de l'esprit. Donc, vous êtes déjà équipé, je suis déjà équipé pour conserver l'unité. Vous avez l'esprit. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, on est déjà équipé pour conserver l'unité. Mais attention, l'unité qui parle ici, c'est pas, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas de chicane. Ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas de différend entre nous. Ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas de problème entre nous. Non, c'est ça qu'il parle. Une petite question. Il dit conserver l'unité de l'esprit. Est-ce que ça insinue qu'on peut la perdre? Non. Parce que pour qu'on puisse la conserver, et on va voir plus loin, la manifester, Dieu nous a déjà équipés pour le faire. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de l'être humain en tant qu'humain. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui vient dans nous, puis lui va nous aider à conserver cette unité-là que Dieu a faite entre nous. Puis cette unité-là qui est entre nous est aussi avec Dieu qui est la tête, ou Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 17, « Père, fais qu'ils soient un comme nous sommes un. Eux en moi, moi en toi. » On est un avec le Père dans ce sens-là. Et si vous n'avez pas, si je n'ai pas créé cette unité-là, je n'ai pas de pouvoir sur elle. Tout ce que je peux faire, c'est de la conserver. Je ne peux pas la créer, je ne peux pas la changer. Elle est là. Et regarde quand il dit, je me souviens d'avoir déjà étudié, puis je me disais, par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Ça veut dire quoi, ça? Par le lien de la paix. Si vous prenez le mot paix, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est pas l'absence de conflit. Si vous tenez dans Éphésiens, chapitre 2, c'est « Il est notre paix ». La paix dans l'Épître aux Éphésiens, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Il dit « Par le lien qui est Jésus entre vous, par l'Évangile qui est amené par Jésus, par la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça qui va vous garder unis les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'il va parler juste après, non pas de péché ou d'absence de péché. Il ne va pas parler, ben, arrêtez de vous chicaner, là. Arrêtez de vous tirailler ou de vous juger ou de vous calomnier. C'est pour ça qu'il parle. Ce qui nous unit ensemble, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. On a reçu tous le même appel. Qu'est-ce qui me rend humble? Qu'est-ce qui me rend doux? Qu'est-ce qui me rend patient? Ou qui va me faire que je vais pouvoir t'aimer? C'est qu'on est tous pareils. Il n'y a pas un qui peut dire, moi là, je suis meilleur que toi, moi je suis... Non, on est tous pareils, on a tous reçu le même appel, on a tous reçu les mêmes, on est tous héritiers égaux, on est tous pareils. On a tous la même vocation, le même plein, le même désir en nous, c'est de glorifier Dieu. Donc il dit, tu peux pas te glorifier, toi, d'avoir fait de quoi? Moi, je peux pas me glorifier d'avoir fait de quoi? Donc, ça nous garde humbles. C'est ça qui va nous garder humbles. Qu'est-ce que c'est l'humilité, ça? Pour moi, l'humilité, c'est de me voir tel que Dieu me voit. Ça n'a rien à voir avec mes vêtements, ça n'a rien à voir avec ma maison, ça n'a rien à voir avec mon char, ça n'a rien à voir avec mon physique, ça n'a rien à voir avec la beauté que je peux avoir ou l'argent que je peux avoir. Je peux être un multimilliardaire et être humble. Je peux être un pauvre chrétien dans ma hutte de bois et être un orgueilleux. Ça n'a rien à voir avec mon extérieur. Dans la Bible, l'humilité, c'est de se voir tel que Dieu nous voit. Donc, si Dieu me voit un pécheur, je me vois un pécheur. Si Dieu me voit un racheté, je me vois un racheté. Je me vois tel que Dieu me voit. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Il dit, humblement, doucement, avec douceur, avec patience. Le mot patience, là, c'est pas « je suis patient dans le trafic ». Je suis patient avec ma femme, je suis patient avec mes enfants. C'est pas ça que ça passe. C'est avec persévérance. Le mot, c'est je vais persévérer, je vais continuer dans l'œuvre que Dieu a commencée. Et on se supporte. Pourquoi on se supporte? Parce qu'on est tous pareils. T'as tes faiblesses, j'ai les miennes. T'as tes forces, j'ai les miennes. On se supporte parce qu'on s'en va tous à la même place. Le jour où on était en train de d'escalader une montagne avec, on était 3-4 amis, 5-6 amis, et on montait, on avait tous le même but, se rendre dans l'air. Et on avait notre petit pique-nique avec nous autres. Fait qu'on, on s'est supporté. Ah, on est capable, on montait tranquillement. Si on allait trop vite, hop, on allait un petit peu, on attendait l'autre. On est arrivé en haut ensemble. Pourquoi? On avait le même but. On avait la même destinée, la même place qu'on s'en allait. On était tous ensemble et on avait décidé ensemble, les six, qu'on voulait se rendre en haut et pique-niquer en haut. Fait que ça, ça nous a aidé à se supporter mutuellement, à s'encourager, à aller de l'avant parce qu'on s'en va tous dans la même direction. Et dans l'Église, c'est la même affaire. On a tous le même but, tous la même direction, on s'en va tous dans la même, avec le même plan, le même désir, le même Dieu, le même Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait qu'on se supporte avec amour parce qu'on est pareil. On est tous pareils. Et ça, ça rend la vie beaucoup plus facile. Quand je pense à vous, je me dis, oh, ils sont comme moi. Ils sont comme moi. Je ne suis pas mieux, je ne suis pas pire. Ils ont leurs faiblesses, j'ai les miennes. Ils ont leurs forces, j'ai les miennes. Et leurs forces vont, puis les miennes vont s'entraider. Je suis pas surpris quand j'entends dire qu'un tel a fait une telle gaffe. Ben, je lui dis, j'ai fait la même il y a deux semaines. On est pareil! Qui est pas orgueilleux, s'il levait la main? Qui n'a pas de problème avec avec l'impatience, ou avec la calomnie, ou avec la médisance? Qui n'a pas de problème avec ça? Levez pas vos mains, je vais trouver d'aller vous voir après l'union. On a tous des problèmes avec ça. Donc, je suis pas surpris. Moi, quelqu'un me dit qu'un tel pasteur a planté, là, il m'a dit, ah, je suis surpris qu'il n'ait pas planté avant. Mais je ne suis pas surpris qu'il ait planté. Parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. On a tous ces difficultés-là dans nos vies parce qu'on est tous pris avec la chair encore. Mais en même temps, on a tous les mêmes rêves. On a toutes les mêmes ambitions. On a tous les mêmes désirs. On veut glorifier Dieu. Pas de la même manière. Mais on a tous ce désir qui nous travaille les tripes. Je peux dire seulement de vouloir glorifier Dieu. Si vous n'avez pas ce désir-là, jamais, moi, je dis, venez me voir, je vais vous évangéliser. Je pense que vous n'êtes pas sauvés. Si vous n'avez pas ce désir-là en vous de glorifier Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour ça, pour glorifier Dieu. Donc, si vous n'avez pas ce désir-là, je suis obligé de vous dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que lui, c'est ça qu'il veut. Parce que Jésus a dit dans Jean, hein, je vais vous donner, le Saint-Esprit va venir en vous et vous allez me glorifier. Parce que c'est ça qu'il va faire, lui. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Il est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais moi, quand je dis, oh, je vais le faire taire, le Saint-Esprit. Il ne parlera plus. Je ne peux pas. Il est plus fort que moi. Il va travailler à moi, puis je vais finir par le faire. Parce qu'il est plus fort que moi. C'est ça qui me réjouit dans ma vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est que celui qui est en moi est plus fort que ma chair. Sans ça, ça me défaitisse tout le temps. Quand je dis, oh, j'y arriverai jamais, tu sais. Mais non, c'est pas ça. Je suis obligé de dire, l'esprit qui est en moi est plus fort que moi. J'entends ça avec le mot, attristez pas cet esprit, on va le voir plus loin. Et éteignez pas l'esprit, faites attention. Vous n'êtes pas plus fort que lui, là. Donc, ça veut dire, ça peut-être pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. OK? Donc, il dit, et pour garder cette unité-là, il dit, souvenez-vous au verset 4. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule espérance, une seule foi, il y a un seul baptême, il y a juste un Dieu, parmi vous, en vous, en tous, parmi tous, c'est toute la même chose qu'on a. Il n'y a pas, vous n'avez pas une espérance spéciale, vous n'avez pas une espérance différente que la mienne, vous n'avez pas reçu un baptême différent que le mien, vous n'avez pas rien de différent avec moi. Nous avons tous la même chose, donc c'est pour ça qu'il dit, l'unité c'est là. L'unité dont il parle ici, c'est une unité qui vient du fait qu'on vient tous de la même chose, de la même place, on a tous reçu le même baptême. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout pareil. Donc il dit, l'unité que Dieu dit, l'unité que j'ai créée, c'est que vous êtes tous unis à moi, on forme tous un même corps, et par la grâce de Dieu, conservez ça. Donc, on va voir tout à l'heure, juste après, qu'est-ce qu'il dit qu'on va pouvoir faire pour pouvoir aller dans cette direction-là. Parce que l'unité dont il parle, c'est vraiment, moi j'appelle ça doctrinal. C'est des vérités. Ce qui va nous unir, frère et sœur, c'est pas l'absence de péché. C'est ce qui va nous aider à conserver l'unité de l'esprit, c'est la doctrine, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je regarde dans les églises qu'est-ce qui fait des divisions, des séparations, c'est souvent, on n'a pas la même compréhension de la vie chrétienne. On ne voit pas la vie chrétienne de la même manière, et des fois, ça nous met des frictions, et des fois, ça fait des divisions. Mais, remarquez bien, et je crois que ce n'est pas pour rien que Paul dit... Vous avez tous reçu le même cadeau de Dieu. Vous avez Dieu en vous, j'ai Dieu en moi. On est pareil. Donc, je devrais vous comprendre et vous devriez me comprendre. Spirituellement, on devrait se comprendre. Parce qu'on a le même Dieu. Et donc, quand on a une divergence d'opinion, c'est pour ça que Paul va dire, le Seigneur vous montrera. Quand on a une différence d'opinion, le Seigneur vous montrera, on est pareil. De tous les chrétiens qui sont dans le monde, on est pareil, on a le même Dieu, le même but, on a reçu le même Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est en moi, là, veut faire en vous autres le même travail. Et veut vous utiliser pour la même raison. On est pareil. Ma main, mon pied ont le même but, font partie du même corps. Quand vous commencez à vous donner des claques dans la face, c'est le temps d'aller voir le médecin. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? D'habituellement, la main, elle va vous aider, là. Ça pique, elle va vous gratter. Vous voulez peigner, elle va vous peigner. Vous voulez vous mettre beau, elle va vous pomponner. Ça, c'est normal. C'est comme ça. On a une même pensée. Tout le corps fonctionne ensemble. Nous, on fait partie d'un même corps. Donc, c'est pas normal quand on se donne des claques dans la face. C'est pas normal. Ça marche pas. C'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, là. Parce qu'on fait partie d'un ensemble. Si tu donnes un coup de pied à ton frère, si tu donnes un coup de pied à toi-même, si tu nuis à l'autre au côté de toi, tu te nuis à toi-même parce que vous faites partie du même corps. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous emmène ensemble. C'est pour qu'on fasse un travail ensemble parce qu'on fait partie d'un tout qu'on appelle le corps de Christ. Mais on dit au verset 7, malgré toute cette unité-là, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il n'y a pas une mesure dans le sens de quantité, mais la façon, il va l'expliquer par après, c'est comment ça s'est manifesté en nous, ça. Ce n'est pas une quantité, mais c'est plutôt une sorte des dons différents. Paul va dire dans Romains, lui, chacun a reçu une mesure de foi différente, puis il va nommer les différentes sortes de dons. Puis il dit, vous avez reçu une mesure de don de Christ différente, c'est la même vérité. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, ici c'est un terme, c'est un langage de guerre, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais c'est un langage de guerre. Tu sais que le mot captif, là, enseignement, c'est que quand les rois faisaient la guerre et qu'ils gagnaient, ils revenaient avec des cadeaux et ils faisaient des distributions de cadeaux. Puis ils disaient, Jésus est descendu sur la terre, il a fait la guerre, il a gagné puis il est remonté. Mais en remontant, il a fait des cadeaux à tout le monde, fait des dons aux autres. Et c'est ces dons-là dont il va parler ici. Faites des dons afin que c'est un langage. Chacun va. On est tous unis, on a tous la même idée, mais on n'a pas tous reçu les mêmes dons. C'est ce qu'il est en train de dire ici. On n'a pas tous reçu la même chose, la même manifestation, la même mesure. C'est pour ça qu'il va nommer juste après, au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, il ne faut pas limiter ça. Ici, il y en nomme quatre pour le but de son texte. Ici, il veut s'adresser à ces quatre-là, ou à l'Église avec ces quatre-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dons, parce qu'on en voit ailleurs dans d'autres livres de la Bible. Mais ici, le but, c'est de mettre les quatre-là. OK? Pourquoi il a donné des dons différents? Il dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont les uns plus les uns que les autres? Ben non, on veut juste voir avant, on est tous égaux. On est tous pareils. Il n'y a pas un d'entre eux autres. Je me souviens quand le Seigneur semblait me faire comprendre que je devais commencer à enseigner. Savez-vous qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? Donne ce don-là à ma femme. Et elle aime ça être avec le monde. Moi, donne-moi autre chose. Je ne voulais pas. Je n'ai pas voulu pendant des années, j'ai refusé. Ça a été 3 ans à dire non. Je ne voulais pas. J'étais sur ma petite ferme à Saint-Rémy-de-Tinoué, dans mon bois, avec ma hache, moi, ma scie à chaîne, puis je bûchais du bois. Je voulais rester là. Je voulais rester là. Finalement, j'ai vendu ma CHN, j'ai vendu ma terre, et puis je suis parti en ville pour aller faire mes études, puis j'ai devenu enseignant. Yes, sir! C'est ça qu'il a fait. Savez-vous que. Puis je n'ai pas senti qu'il m'avait cassé les bras. Mais à un moment donné, le désir est devenu tellement fort de partager ma foi avec les gens, je suis parti, je suis allé. Ma femme, c'était au plaisir de ma femme parce que je sortais du bois, je m'en allais en ville, puis elle allait à la ville. Fait que on s'était allé dans la ville. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir comment Dieu fait les choses des fois, en tout cas. Et il dit quoi? J'ai pris ces hommes-là, j'ai donné à l'Église des quatre sortes d'hommes. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs docteurs. Il y a toutes sortes de livres décrits là-dessus, ça veut dire quoi? Mais je crois qu'on, simplement, c'est qu'on retrouve ces hommes-là, ici, là, sont là, on les retrouve dans le Nouveau Testament, on les retrouve dans l'histoire des Actes des apôtres, on les voit, là, sont là, apôtres. Aujourd'hui, on n'en voit plus d'apôtres comme les 12 apôtres. Il y a eu des prophètes, on n'en voit plus comme les prophètes du temps des Actes des apôtres, c'est plus la même chose. Mais il a mis en place ce genre de personnes-là avec un but bien précis. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, encore une fois, le mot « unité » qui revient. Pas l'unité dans l'esprit cette fois-là, mais l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons tous à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, Dieu veut emmener l'unité de la foi maintenant. Il y a une unité d'esprit qui est déjà présente, qui est mise en nous, en nous unissant les uns les autres par le Saint-Esprit. Maintenant, il va amener une unité de foi. Et qui va amener, il parle juste après de doctrine ou de connaissance. Le mot foi dans le Nouveau Testament est souvent utilisé, non pas pour la capacité de croire en quelque chose, mais pour le contenu de ce que je crois. Et ici, c'est le contenu. Il veut nous amener à une unité de foi, de compréhension de qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait en nous, ce Christ-là. C'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que ça produit l'Évangile? C'est pourquoi l'Évangile a été donné? Afin qu'on ne devienne plus sujette ou qu'on soit moins ébranlé par le dehors ou par le dedans, parce qu'on a toujours appuyé dans le passé, dans notre chair. On a un combat entre la chair et l'esprit. Donc, la chair vient avec des mensonges et il faut qu'il y ait une vérité en dedans pour compenser ça. Donc, il dit, je veux vous emmener à l'unité de l'esprit. Ou l'unité de la foi, excusez. Je vais vous emmener toute la gang. Et afin que vous soyez des hommes et non pas des enfants ballottés à tout vent et toute doctrine et qu'on soit stable dans notre foi. Et il a donné quatre sortes d'hommes pour faire ça. Des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs. Il dit, j'ai donné ça. Donc, vous, j'étais avec un groupe de croyants et j'ai demandé, si je vous donnais le choix entre d'avoir une Bible ou d'avoir un enseignant, un pasteur, docteur, vous avez le choix en un des deux, qu'est-ce que vous choisiriez? Et les groupes qui étaient là, sur six, il y en a cinq qui ont dit Bible. Il y en a un qui va parler. T'es peut-être plus sage que les autres, je ne sais pas. Il n'a pas répondu. Il savait que je tentais de poser une colle, là. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous autres, hein, si on vous donnait le choix? Vous voulez avoir un pasteur, docteur, ou des prophètes, ou des apôtres dans votre vie, ou si vous voulez avoir une Bible dans vos mains? Non, tu n'as pas le choix, là. J'ai dit aux gens, savez-vous une chose? J'ai dit, si vous choisissez la Bible, si vous dites, je voudrais avoir une Bible, je veux pas, les hommes ne peuvent pas se fier à ça. Mais si vous avez une Bible dans les mains, vous êtes obligé en partant de vous fier à ceux qui l'ont traduit. Parce que si je vous donne la Bible écrite par Paul, ou par Pierre, ou par Luc, vous n'êtes même pas capable de la lire. Vous n'êtes même pas capable de la lire. C'est dans une langue que vous ne connaissez pas. Déjà là, vous êtes obligé de dire, ouais, si je n'avais pas les 12 gars pour me la traduire en français, je ne pourrais même pas la lire. Puis vous ne savez pas que les 12 gars, eux autres, ont dû faire le choix entre 6 bibles en grec différents. Lequel est la bonne à choisir? Savez-vous, vous autres? Vous dites, ben ouais, mais pas besoin de ça, je sais l'esprit. Oui, comment est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Hein, j'ai déjà vu des gars qui me disent, oh, moi, je sais l'esprit avec ma Bible, je suis correct. Ouais, mais moi, t'as le donné, la Bible en grec, avec le Saint-Esprit, voici ce que tu vas faire. Ça fait rien. Ça fait absolument rien. Dieu a donné à l'Église des hommes, selon ici qu'on a dans le texte, pour prendre ça, emmener l'unité de la foi. Parce que vous savez une chose, là, les chrétiens avec des Bibles dans les mains, ça ne fait pas plus que 100 ans que ça existe. Ça fait plus que 100 ans. Avant ça, les chrétiens n'avaient pas de Bible, ça n'existait pas dans les maisons des Bibles, ça n'existait pas. Jusqu'au 12e siècle, là, les Bibles étaient en latin, puis c'était juste quelques-uns qui en avaient. C'est juste quand l'imprimé a sorti des années 1200, à peu près qu'on a la Bible de Gutenberg, qu'on dit? Gutenberg ou Gutenberg. Et c'est là que la Bible a commencé à être imprimable, et que Martin Luther l'a traduit en allemand, parce qu'il voulait que les gens l'aient, les Allemands l'aient. Mais vous savez, ça a pris, avant que le dernier du fond du Rhin en ait une, là, le chrétien, ça a pris du temps à bébite, là. Puis quand ça a été mis, imprimé, je dirais que trois quarts des chrétiens ne savaient pas même pas lire. Fait que même si ils auraient donné une Bible en allemand à eux-mêmes, ils ne savaient même pas lire, ils n'étaient même pas assez éduqués pour la lire eux-mêmes. Fait que l'Église s'est propagée pendant 2000 ans, puis je vous garantis qu'elle n'était pas handicapée, elle s'est propagée pendant 2000 ans sans lire, sans Bible, ou presque pas beaucoup de Bible. Puis aujourd'hui, on a des Bibles dans nos maisons. Plus qu'on peut en lire, j'en ai, tout à l'heure, je disais à Tommy, pendant qu'on était en tambour dans le camp, j'en ai 17 là, sur ma page d'ordinateur. On en a des bibles, pasteur. Dans toutes les langues, en espagnol, en latin, en français, en anglais, on en a. Est-ce que l'Église est en meilleure santé à cause de ça? Pas en tout. Pas en tout. L'Église n'est pas en meilleure santé à cause que tout est question des bibles. Savez-vous comment les chrétiens la lisent en moyenne? Par jour? En Amérique du Nord? Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. En moyenne, là. Puis Jésus n'en veut pas pour ça. Jésus n'en veut pas pour ça. Je vais vous juste donner un fait, là. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas lire la Bible. Non, non. Mais non. Mais je sais bien que même si je prêcherai 5 heures de temps pour que vous lisiez votre Bible plus, je sais que vous ne le ferez pas. Puis vous n'en avez pas pour 500 par ça. Je sais que vous ne le ferez pas. Vous allez voir tous les pasteurs au Québec, ils ont tous prêché pour encourager les chrétiens de lire la Bible, puis la moyenne n'a pas augmenté. C'est encore 5 minutes. C'est comme ça. Mais je suis convaincu, frère et soeur, si je vous disais, Jésus va être chez vous dans le salon 1 heure à toutes les soirs. Puis il va vous parler. Je suis convaincu que vous seriez tous dans le salon pendant 1 heure. Je suis convaincu. Ça serait normal aussi. Ça serait bien correct aussi. Tout ce que Paul est en train de dire, c'est ce que Dieu a mis en place des hommes. Et nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que ces hommes-là, du temps de Paul, ont fait, premièrement. En premier, ils l'ont fait. Ces quatre sortes d'hommes-là, là, ils l'ont fait. Ils ont emmené ce qu'on appelle le canon de l'Église. Ils ont mis en place le Nouveau Testament pour l'ajouter à l'Ancien Testament. Ils ont mis ça ensemble. Ça a pris une centaine d'années, à peu près, exemple. Ils ont mis ça ensemble. Et ça, c'est devenu la base de la foi. Nous autres, maintenant, quand on veut emmener les chrétiens à l'unité de la foi, on prend ce que ces hommes-là ont mis en place, ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, puis on essaie de l'expliquer aux chrétiens. On essaie de l'expliquer aux chrétiens. Pour que les chrétiens viennent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce que Dieu a fait, comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, combien de gens m'ont dit, pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout le monde? On prend nos Bibles, on essaie de vous expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il y a avec ceux qui n'entendent pas l'Évangile dans le fin fond des bois, là-bas, là? Qu'est-ce qu'il y a avec, cette semaine, quelqu'un me posait, qu'est-ce qu'il y a avec les petits-enfants qui meurent tous, là, les petits-enfants de 2 jours, de 3 jours, là, qui meurent par milliers dans le monde? S'en vont-tu au ciel ou en enfer, eux autres, là? Ou s'en vont-tu dans les limbes, comme les catholiques disent? Il y a des bonnes questions, hein? Comment est-ce qu'on explique ça? On prend ce que ces hommes-là ont mis en place pour essayer de créer l'unité de la foi. D'amener l'Église à avoir une compréhension uniforme de la personne de Jésus-Christ et de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'on essaye de faire. D'amener l'Église à une unité de foi qu'un chrétien du Québec pourrait rencontrer un chrétien de France ou un chrétien d'Afrique ou un chrétien de la Russie et s'asseoir ensemble, les quatre chrétiens, puis on parle du même Jésus. On parle de la même espérance. On a la même foi. L'unité de la foi de l'ensemble des croyants de l'histoire de l'Église. C'est ce que Paul parle ici. Qu'on comprenne les choses pareilles. Parce qu'on a juste une foi. On a juste une espérance. On a juste un Dieu. Je me souviens d'avoir parlé avec des gens de d'autres mouvements. Puis ils disaient, nous autres, on a plusieurs dieux. Les bouddhistes, même si c'est des bouddhistes ou les hindouistes, ils ont des millions de dieux. Ils n'ont pas celui qu'on veut. Ce qui fait notre affaire, ça fait passer quand j'étais catholique, on avait des centaines de saints, puis on allait chercher ce qu'on avait besoin le matin en se levant. On allait chercher, ah ben aujourd'hui j'ai telle affaire, ben, je vais aller chercher tel saint qui va avec ça, là, ben, on va prier celui-là. On a juste un Dieu. Quand vous priez, quand je prie, on s'adresse au même gars, là. On s'adresse au même gars, là. Quand vous dites Dieu me dit ça, moi il me dit, ah ouais, moi il me dit le contraire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a le même Dieu. On n'a pas deux ça. Ton Dieu ne pense pas différent du mien. On a le même Dieu. Donc, pourquoi tu dis le contraire de moi? Quelque chose qui ne marche pas. Pour arriver à l'unité de la foi, on se retourne vers ce que ces dons-là que Dieu a fait à l'Église. Ils ont mis en place la foi, la doctrine. Et là, on s'en va là vers ces gars-là pour dire, mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils arrivent dans Acte 15, ils ont des problèmes en Antioche, les chrétiens s'engueulent, ça se chicane, ça ne marche plus les affaires, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut circoncire les païens, parce que les juifs se font circoncire, puis il y a toute une chicane, une polémique. Qu'est-ce qu'on fait? On part, puis on descend vers ces quatre gars-là. On descend vers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, puis ils disent, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? Et il y a eu un concile de Jérusalem, ils ont réglé le problème. Ils ont réglé le problème. Quand on a des problèmes entre nous, il faut aller vers les Écritures. D'autres, on n'a pas les apôtres. S'ils seraient là, on irait là encore. S'il y avait les 12 apôtres à Montréal, je vous garantis, je ne regarde pas dans la Bible, je m'en vais direct là. Je m'en vais direct là. Mais ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Mais nous autres, on met en place ici. Il faut faire attention quand on s'infuse aujourd'hui, il y a des prophètes, des évangélistes, et des pasteurs, docteurs. Il ne faut pas leur donner plus d'autorité qu'ils en ont. Même si vous dites, lui est un pasteur, oui, tout ce qu'il peut faire, c'est d'aller voir ce qu'ils ont mis en place, ces gars-là. Non? Tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Il n'invente rien, il devrait rien inventer, tout du moins. Et dans ce sens-là. Donc, mais pour emmener tout ça, pour emmener le corps à fonctionner ensemble, regardez ce qu'il dit au verset 14. Le chef de Christ. OK, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui, de qui on parle ici? De Jésus-Christ, hein? C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement les uns des autres. Quand vous regardez l'Église aujourd'hui, individuellement, quand vous regardez l'Église de Val-d'Or, ou l'Église du Québec, ou l'Église de, dans le monde, au Canada, comment vous la voyez? Comment vous la voyez? Je ne sais pas ce que Gilles Lapierre va vous dire la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que je ne dirai pas le contraire le matin. S'il dit le contraire de moi, il n'est pas correct. Je ne dis pas ça. On va effacer ce bout-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez l'Église, pensez-vous que l'Église est en train de faire ce que Dieu veut faire, ce que Jésus... Pensez-vous que la tête, finalement, réussit à coordonner le corps? Alors, pensez-vous que le corps est tout infirme, marche tout croche? Hein, pensez-vous que c'est ça qui se passe? Voyez-vous l'Église de même? Est-ce que... Moi, j'ai déjà vu l'Église de même, vous savez. Ah, j'ai vu l'Église de même longtemps. Malheur à moi. Je voyais une Église toute travers, qui ne fonctionnait pas bien, puis qui était faible, puis qui était... toutes sortes de problèmes dans l'Église. Mais ça, je la voyais tout travers. Acceptez-moi que c'était correct. Vous voyez l'Église, hein? Est-ce qu'elle est comme ça, là? Est-ce que la tête réussit à bien coordonner, à former un solide assemblage? Je pense que c'est le but, mais elle est en train d'être amenée à... l'Église, c'est l'épouse de Christ qui va nous rendre parfaite dans son avènement. Est-ce qu'elle est imparfaite aujourd'hui? Sommes-nous pas parfaits en Jésus-Christ aujourd'hui? Elle n'est pas rendue parfaite, elle est en voie de devenir, mais... Moi, personnellement, je ne vois pas ça comme ça. Je crois que ce qui nous manque pour être dans la perfection devant Dieu, c'est la résurrection. Ça, c'est un autre miracle. Avant, il n'y a pas de changement qui se produit. Mais, je crois que l'Église est en train de découvrir, c'est ce qu'elle est. Elle n'est pas en train d'être transformée jour après jour. Elle était transformée, maintenant elle découvre ce qu'elle est. Moi, je crois personnellement que la tête qui est Christ aujourd'hui, depuis 2000 ans, fait fonctionner l'Église parfaitement. Elle est parfaite, à ses yeux à elle. Et elle accomplit, selon ma compréhension, elle accomplit chaque génération, ou chaque siècle, ou chaque vie de chrétien, elle accomplit cette Église-là parfaitement le plan que Dieu s'était donné dans cette génération-là. Si Dieu s'était donné, dans cette génération-là, de sauver 2000 personnes, exemple, je donne ça comme ça, est-ce que les 2000 ont été sauvés dans cette génération-là? Ben oui, ils l'ont été sauvés. Ils disent, ah, je n'avais 2000, mais je n'ai manqué un paquet. Non, l'Église accomplit dans sa faiblesse, dans sa incapacité d'être parfaite moralement, je peux dire de même, malgré qu'elle est encore pécheresse, elle accomplit parfaitement le plan de Dieu. Vous savez pourquoi je pense ça? Parce que quand je regarde dans la Bible, j'ai tenté d'étudier les Actes des Apôtres, là. L'Église des Actes des Apôtres, des fois on veut ressembler à l'Église du Nouveau Testament, qu'on dit, mais était aussi croche que toute l'Église qu'on peut voir ici, si on appelle ça croche dans ce sens-là. Elle avait tous ces mêmes problèmes-là d'Église qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Mais quand on la regarde vivre, cette Église-là des Actes des Apôtres, là, Christ ou le Saint-Esprit accomplit parfaitement l'œuvre qu'il voulait accomplir malgré toutes les faiblesses qu'il a. Il a accompli parfaitement son œuvre. Je ne crois pas que Jésus est en train de regarder et que toujours en train de se dire « Oui, mais si tu veux, je te dise. Elle ne fait pas tout ce que je demande, mais si tu veux, je te dise. » Non. Je crois que Jésus-Christ est parfaitement satisfait de ce que c'est que nous faisons. Parce que vous savez, je ne crois pas que ça a été son plan, que d'amener l'Église à une sainteté que voilà, maintenant l'Église de Val d'Or, je ne peux jamais mettre péché, puis finalement je vais faire ce que je veux avec. C'est pas dans son plan, ça. C'est pas dans son plan. Son plan, pour se glorifier, c'est de prendre une gang tout croche comme nous, humainement parlant, et d'accomplir le plan parfait avec. C'est pour ça qu'il va dire dans Acte 3, Pierre va parler, il va dire, je sais que vous avez agi par une ignorance. Donc une gang d'ignorants, ils ont fait le pire péché du monde, qui était quoi? De tuer Jésus-Christ. Mais il dit, faisant ici, vous avez accompli le plan de Dieu. Voyez-vous? Ils ont accompli un plan parfait en faisant des cochonneries. Parce que Dieu a le pouvoir de prendre les cochonneries du monde et faire du bien avec. Nous autres, pendant qu'on tuait le Fils de Dieu, qui était le péché le plus grave qu'on a jamais fait en tant que race humaine, lui, il prenait ce péché-là, entre guillemets, puis il sauvait le monde avec. Mais où la capacité de Dieu? C'est ça qui m'épate de Dieu. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Nous, des fois, on fait des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Non, non, Dieu ne voulait pas qu'on le fasse. Mais il a la capacité d'utiliser ça et de faire des choses à sa gloire. Ça veut pas dire, ah, ben non, faisons le péché, c'est pas grave. Non, non, non, non, non, non, non. Si vous pensez de même, vous n'êtes pas chrétien. Si vous pensez, ah, ben, Seigneur nous a pardonné, on peut faire tous les péchés qu'on veut, c'est pas grave. Les mêmes voix vont vous évangéliser. Je pense pas que vous êtes sauvés. C'est pas dans la nature humaine du chrétien, la nature du chrétien de penser comme ça. Si vous pensez de même, vous êtes à côté de la traque, ben, reine. Mais, ce qui réjouit le chrétien, c'est de voir un Dieu qui peut prendre un peuple complètement dans des difficultés morales, parce qu'il est pécheur, et qui est capable d'accomplir un plan parfait avec. Parce que quand il va finir, je ne sais pas quand il va finir nous chercher, mais quand il va arriver au bout, là, mettons, on dit reste en 2000, janvier 2001. Non, 2011, on est passé 2011. C'est ça, janvier, 1er janvier 2011, c'est la fin. 31 décembre, minuit 2010, paf, c'est parfait, il a tout accompli ce qu'il voulait accomplir. L'Église est parfaite, elle s'en va au ciel. On est au ciel. C'est parfait. Il ne manquera pas personne. Tout va avoir été accompli. Dieu va se glorifier pour l'éternité. C'est ce que je crois personnellement. C'est ce qui m'encourage à continuer en me regardant moi dans le miroir, imparfait que je suis, en vous regardant, en regardant l'Église de Victoriaville, j'ai plein de problèmes partout, j'en vois dans ma vie, j'en vois dans tout le monde, dans toutes les églises que je vois, j'en vois partout. Mais j'ai la conviction profonde que mon Dieu utilise cette gang de monde-là, puis il est en train de faire son plan parfaitement. Parfaitement. Il a la capacité de prendre vos imperfections et d'en faire de la perfection. Malgré qu'on est triste de nos imperfections, dans sa grâce, il les utilise pour faire de la perfection. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Moi, je regarde l'Église aujourd'hui, je la vois qui accomplit le plan de Dieu. Dieu accomplit son plan. Dieu accomplit son plan. Et je n'ai pas toujours pensé comme ça. Mais maintenant, je vois bien que c'est ça qu'il est en train de faire. Puis, plus en plus, j'étudie les actes des apôtres ces derniers temps, plus je m'aperçois qu'il est en train de dire à Théophile, tu vois-tu Théophile, la gang de gars qui étaient là, non? Une gang qui se cachait dans le fond des garde-robes, qui avait peur de tout le monde. Regarde ce qu'il a fait après que cet esprit s'est rentré dans leur vie. Regarde bien ce qu'ils ont accompli en 30 ans, cette gang-là. Regarde bien ce qu'ils ont accompli. Ces gens-là étaient comme vous et moi. Ils ont accompli le plan de Dieu dans leur génération. Et je crois qu'ils accomplissent aujourd'hui. Je donnais un exemple cette semaine, permettez-moi d'aller une minute encore. Pourquoi je crois personnellement aujourd'hui que Dieu est souverain dans le monde? Malgré les Hitler, malgré les gouvernements totalitaires, ou ben non, démocratiques, ou ben non, peu importe ce que vous voulez. Malgré l'homme dans toute sa folie, malgré que tous les dirigeants de ce monde, en grande partie, ne croient pas Dieu, n'ont pas la crainte de Dieu, ils se foutent de Dieu, ils ne croient pas en l'existence. Pourquoi est-ce que je crois, moi, aujourd'hui, François, en 2010, pourquoi je crois que Dieu règne dans le monde? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais... Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que je peux... Savez-vous qu'est-ce qui me convainc de ça? La Bible. Quand je lis l'Ancien Testament, je vois Dieu le faire. Je le vois dans l'histoire le faire. Il en parle, il nomme des rois, il nomme des villes, il nomme des époques. Il prend Nabucodonosor, puis il veut faire de quoi avec Nabucodonosor? Nabucodonosor, il est rebelle, il l'enchaîne après un poteau, puis il fait pousser des plumes après lui, puis il le ramène après. Puis il fait ça, ben ça, il va prendre le roi syrien, puis il l'amène en Israël, puis il dit, tu vas faire ça en Israël, puis ça, il prend Israël, puis il l'amène ailleurs. Puis ça, je dirais pas ça si je le verrais pas. C'est marqué, c'est écrit. Je vois dans l'histoire. Même aujourd'hui, si c'est plus écrit dans la presse, je sais que c'est ça qui se passe. Le jeu, c'est que c'est partout que je peux dire, malgré peu importe le roi qui est en l'air, peu importe le premier ministre qui est là, je sais qu'ils font la volonté de Dieu. Ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Je peux dire aujourd'hui, Dieu est souverain. Il prend des gouvernements rebelles, des gouvernements idolâtres, puis il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut. Il accomplit sa volonté. Des fois, il prend ces rois-là, il peut protéger l'Église avec ces rois-là. Des fois, il peut prendre le même roi, puis t'approcher sur l'Église. C'est Dieu qui décide. Il est souverain parce qu'il m'a montré qu'il l'était dans l'Ancien Testament. Et dans l'Église, c'est la même chose, frère et soeur. Je crois que les Actes des Apôtres ont été écrits en partie pour ça. Regardez ce que j'ai fait pendant 30 ans avec mon Église. C'est ce que je vais faire pendant les 2000 ans qui s'en viennent, pendant les 3000 ans qui s'en viennent. C'est ce que je vais faire de la même manière. Vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas. Vous n'êtes pas capable de le voir. Vous allez peut-être voir toutes sortes de faire croche. Mais souvenez-vous, c'est ça que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. Et quand je vais arriver à la fin de mon histoire que j'ai écrite, tout ce que je voulais accomplir, je vais l'avoir accompli. Tous les gens que je voulais sauver, je vais les avoir sauvés. Et tous ces gens-là vont me glorifier pour l'éternité. Prions ensemble. Notre Père du ciel, donne-nous de voir l'Église comme tu la vois. Rajuste nos lunettes, Seigneur, à tous chacun de nous. Rajuste nos lunettes s'ils sont pas corrects, afin qu'on voit l'Église comme tu la vois. Afin qu'on te voit, toi, comme tu veux qu'on te voit. Ajuste nos lunettes pour voir le plan que tu as pour nous aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire dans le monde, à travers une Église faible, pécheresse encore. Mais tu as décidé ainsi de prendre l'imparfait pour faire du parfait. Et nous allons, à cause de cela, te glorifier pour l'éternité. Amen. Que cela vous bénisse.